La vie meurtrière, chapitre 2, septième partie. Allant au Louvre, je passais un jour sur le pont des Saint-Pères quand il me sembla discerner, marchant dans mon sens, une personne dont la tournure ne m'était pas inconnue. Elle avait quelques pas d'avance. Je pressai les miens et fus vite à sa hauteur. Arrivée, je reconnus la sœur de Madame Montessac et la saluai. Tout de suite, sa bonne figure s'éclaira. « Monsieur Verdier, je suis bien contente de vous voir. Vous êtes trop aimable, madame. Et vous allez bien? Vous travaillez toujours beaucoup? Toujours, madame. Oui, je sais que vous êtes un homme sérieux. J'ai lu votre beau livre. Marthe me l'a prêté. Il y a longtemps que vous l'avez vu? 2 jours. Et nous dînons ensemble ce soir. Nous parlons souvent de vous, monsieur. Ma sœur a beaucoup d'amitié pour vous. Je la lui rends, madame, je vous assure. Et vous avez raison. Nous vous avions espéré cet été à Plan-les-Dunes, et nous nous étions bien réjouis. Mais vous avez eu de tristes empêchements. J'ai appris la mort de monsieur votre père. Quelle affreuse chose! Elle lui fut un bienfait dans son état, madame. N'est-ce pas? Au cours d'un si vol entretien, nous étions arrivés au quai et guettions l'occasion de traverser la chaussée. Moi, du moins, car, à l'offre que je lui en fis, lorsque parut une éclaircie, la brave dame m'assura de voir prendre là son tramway. Je la conduisis au bureau, ne la voulant quitter qu'installée. Une fois assis, nous continuâmes l'échange peu fatigant de nos politesses. « En sorte, reprit-elle, que vous avez passé la saison tout entière à Paris. Vous avez dû bien souffrir de la chaleur. Oh, pas exagérément. À Plan-les-Dunes, il faisait délicieux. La plage est parfaite, peu de monde. Vous y aviez quelques relations? Pas trop, mais d'excellentes. Connaissez-vous les Richardières? Non. Et Monsieur Lambel? Lambel, un jeune homme charmant, un bon ami de Marthe. Il a passé 10 jours à la maison. Lambel, le nom me tapa sur les yeux comme un coup de fusil. Dans un déclic d'une seconde, je revis le belâtre penché sur l'épaule de Madame Montessac et j'entendis sa voix. Je reconnus encore la cravate à pois et le sourire. Puis une vague énorme de haine noya l'image et tout disparut dans un flot rouge. « Nous avons fait de bien bonnes parties, » continuait l'innocente. « Il est d'une gaieté, d'un entrain. Un jour, nous sommes, Marthe, lui et moi, restés 7 heures en mer. Et sur quelle barque? On ne pouvait pas rentrer. À cause de la marée, ce que nous avons ri. Pensez donc, il était nuit noire. Tiens, mais je m'oublie, voici mon tram. » Elle se leva, machinalement je la suivis et l'aidai à se hisser sur la plateforme. Mon esprit volait ailleurs. Je reçus sa poignée de main sans la rendre, comme un paquet, et le verbiage dont elle m'inonda, jusqu'à ce que partît la lourde machine, m'assourdit sans que je le comprisse. Je vis fuir sur le rail sa face de poupée heureuse. Par 2 fois elle agita l'adieu de son mouchoir. J'étais vissé au sol, je ne sus trouver la force de répondre. Une voiture enfin me chassa. Je passai sous le guichet, marchant d'habitude. Sur la place du carrousel, j'hésitais, n'ayant plus de but. Le Louvre, ah oui. Je fis quelques pas du côté de l'entrée. À la porte, je changeai d'avis et rebroussai chemin. Retournai, puis revins définitivement en arrière, les jambes rompues, vidées, inapte à quoi que ce fût, mais le cerveau grondant. Ah, que je se tuais avec plaisir! Lambelle, son amant, ce morveux, canaille! Les ongles m'entraient dans la peau. Rageusement, je les y poussais, tout à la joie d'ainsi serrer quelque gorge imaginaire. Se pommader. Et moi, bonne bête, qui n'avais rien vu, étais-je assez jobard, assez ridicule, avec mes airs de soupirant? Et avait-on dû rire là-bas, appelant les dunes, le soir, en lisant mes cartes? Une seconde reparut le masque baveux de Gécène et son gros rire. « Ça ne serait pas une mauvaise affaire !»« Joseph !» dit une autre voix. J'essuyai mon front et, de nouveau sur la rive gauche, me mis à suivre les quais. Une sorte d'ivresse belliqueuse m'enfiévrait. J'allais tout droit comme une force lâchée. Des gens flânaient aux éventaires. Poussé par je ne sais quel paroxysme, j'en bousculai un, pacifique vieillard dont les lunettes chavirèrent, puis le chapeau lorsqu'il les voulut ramasser. Il tourna vers moi l'inertie de deux gros yeux dévêtus, tout blancs, mais j'étais déjà loin qu'il tâtonnait encore, à quatre pattes sur le trottoir. Un deuxième me précédait. Son allure eut le tort de n'être pas au diapason de la mienne. Je l'écartai rudement, il faillit tomber. « Imbécile !» lui criai-je dans la moustache, cependant qu'il tâchait à se remettre en équilibre. Pour un rien, je l'eusse giflé. Elle avait pu faire ça, elle. Bientôt, je fus au pont de la Concorde. Si fort était mon élan que j'y donnai du nez sur le kiosque à journaux. Le choc me tira d'un rêve d'étranglement. Une fade image pendait au carreau. J'en lus deux fois le titre sans comprendre et repartis. 10 pas plus loin, une idée subite me collait au pavé. Je dois dîner chez elle ce soir. Ah ça non, par exemple. Quelques enjambées me mirent au bureau de poste de la chambre. Mon crâne bouillonnait d'apostrophes vengeresses. Mais le petit bleu tout ouvert sur le buvarsal et l'encre et la plume me rappelèrent au réel. C'était là des matérialités, des objets tangibles et dont la vue me doucha. Je me souvins d'une minute analogue et la peur me donna la force de sursoir. Je glissai donc le papier dans ma poche et rentrai chez moi, aussi bien avais-je quelques heures pour réfléchir. Il ne m'en fallut pas tant, et je n'étais pas rue de Verneuil que la réaction s'était produite. J'y eus peu de mérite. Et ce ne fut ni le bon sens, ni la sagesse qui l'amenèrent. Cela vint tout seul, par impotence naturelle, et par l'obligation où j'étais de ne savoir rien faire que par à-coup. « Quoi donc ? » me disais-je dans l'escalier. « Deviens-je fou ? Voilà que je m'emballe, et pars en guerre sur un mot. Et de quel droit, d'abord ? Elle connaît Lambelle depuis 15 ans, ce sont presque des amis d'enfance. Vais-je pas en être jaloux? Elle l'a invité à plan les dunes, d'accord, mais peut-être ne l'a-t-elle fait que contrainte, et parce que j'étais empêchée. D'ailleurs, qui m'autorise à lui prêter le goût d'une si basse aventure? Je la trouvais basse, on devine pourquoi. N'ai-je pas eu sans preuve de sa délicatesse? N'a-t-elle pas été l'amie parfaite et de tous les jours? Si elle était la maîtresse de cet homme, eût-elle supporté mes propos et l'aveu non déguisé de mes sentiments? Eût-elle une seule minute toléré de me revoir, après certaines entreprises plus directes et plus efficientes que les phrases? Et si même, par la douceur de son être et la crainte de peiner, elle avait pu se résoudre à ce double jeu. Ses réponses auraient-elles eu ce ton ému, ces fausses rigueurs presque encourageantes? Non, non. Madame Montessac était une grande et parfaite honnête femme. Elle ne m'aimait pas au point que j'eusse voulu, cela va sans dire. Mais j'étais bien plus loin encore de lui être indifférent. Moi seul, et j'y reconnus ma forme habituelle, était le coupable. Mes soupçons l'avaient injustement sali. Je lui en demandai pardon bien bas. Cependant qu'arrivé, je tournais ma clé dans la serrure. Ces conclusions, après de si furieuses alarmes, me furent bienfaisantes. Je m'y dorlotais jusqu'à la fin du jour, qui vint sans que je m'en aperçusse. La pendule sonnant 7 heures m'en arracha. Je n'eus que le temps de faire une toilette hâtive et de sauter dans un fiacre. J'arrivai chez Madame Montessac tout juste pour me mettre à table. Un chapeau inconnu m'avait, dès le vestibule, fait craindre de n'être pas seule. Tout de même, j'étais si fort remontée que je fis une entrée de la meilleure grâce. Mais quelle ne fut pas ma stupeur de voir au salon, en tête à tête avec Madame Montessac, et bien carré dans son fauteuil, Lambel lui-même. Le coup fut rude. Néanmoins, j'eus la force de me surmonter et de répondre sur un ton possible au grief qu'on me fit d'arriver si tard. Puis, tout de suite, le domestique annonça le dîner. Montessac ne parut qu'après le potage. Il fut d'une gaieté débordante, et j'en bénis le ciel, car les cris et les éclats qu'il fit servèrent de liant et donnèrent à ce repas une apparence de belle humeur, qu'il n'eût certes pas eue si nous nous fussions trouvés seuls. Il tint et mena la conversation, parla de tout et fit les demandes et les réponses. Grâce à ce bruit, je pus m'isoler presque, et, moyennant le salaire de vagues lieux communs, jeter de ci, de là, préparer mon attitude. Je surveillais Lambel et Madame Montessac, mais, jusqu'au dessert, rien de suspect ne m'apparut. Tout allait donc au mieux, quand, à propos de je ne sais quoi, Montessac se mit à parler de plans des dunes. Le mot ne me rata pas. Sitôt prononcé, l'intérêt tomba de ce qui se passait sur mon assiette, je lançai un rapide coup d'œil aux alentours. Madame Montessac ne bronchait pas, mais il me parut, à certains airs de tête, qu'elle eût préféré qu'on parlât d'autre chose. Et les efforts qu'elle fit pour couper la conversation ne tardèrent pas à me le confirmer. Quant à Lambel, hachant les épluchures de sa poire, il se contentait de sourire bêtement. De ce sourire, et du reste, je déduisis les plus sinistres conclusions. La jalousie me reprit, et tous les brasiers mal éteints se rallumèrent. « Vous nous avez bien manqué, » continuait le bon Montessac, parlant à ma personne. « C'était là-bas tous les jours, des parties et des branle-bas à n'en plus finir. Au moins c'est de là, car moi j'ai horreur de la mer. Je me demande ce qu'on peut bien faire dans ces sales bateaux qui puent. Pêcher, le beau plaisir. Ils y restaient, eux, des heures et des heures. Encore, s'il y avait eu de la compagnie, des amis, mais tout seul, franchement. Tu ne sors pas ce soir ? Dit Madame Montessac d'un ton qui me parut nerveux. Si, si. Alors passons au salon. Elle se leva, Lambel la suivit, et je me disposais à l'imiter, quand l'autre, tout à sa phrase qu'il voulait finir, me retint. Figurez-vous qu'un soir, ils ne sont rentrés qu'à minuit. Et dans quel état? À moitié déshabillés et fourbus. À la maison, on était au sans-coup. Heureusement, je ne suis pas jaloux. Pas vrai, Marthe? Cria-t-il à sa femme. Quoi? Fit-elle de l'autre pièce. Je raconte à Verdier tes folies de cet été, avec Lambelle. Ça ne doit pas beaucoup l'intéresser. Infiniment, madame. Le mot partit comme un boulet. Je l'eusse voulu meurtrier. On apporta le café. Ce fut un moment de diversion que chacun remplit à sa manière. Il me sembla que madame Montessac en fit à dessein durer les apprêts, et j'y crus voir la preuve supplémentaire de son trouble. Mais, repossédée par ma manie, j'avais perdu tout jugement et prêté des intentions à ses gestes les plus banaux. Malgré qu'elle fît tout pour l'éviter, mon regard ne la lâcha pas, et, rivés aux siens, mes yeux durent relancer des flammes dépourvues de tendresse. Lambelle, le dos à la cheminée, sirotait sa tasse, et Montessac, par bonheur, pérorait intarissablement. Toujours impassible, elle vint m'offrir des liqueurs, et le fit avec un sourire que je lui eusse volontiers enfoncé dans la gorge. Je pense que ses sentiments durent apparaître en clair, car je la vis presque se décomposer, mais, tout de même, le lieu ni l'heure n'étaient aux explications. Je fis le miracle de me contenir et lui décochai quelque chose qui prétendait passer pour un merci. Enfin, Montessac, la chartreuse but, s'en alla. « Le temps de fumer une cigarette, je reviens » cria-t-il de la porte. Personne n'insista pour qu'il fît diligence. La phrase était un cliché. On savait bien ne plus le revoir. Dès qu'il fut plus loin, le silence tomba, compact. Lambelle le rompit le premier. Délicieux ce cigare. Il semblait à l'aise et totalement inconscient des foudres suspendues. Vous ne fumez jamais, monsieur Verdier? Jamais, monsieur. Vous perdez là une bien grande jouissance. Je m'étonne même, pour un homme de votre goût, que vous y soyez à ce point insensible. Un homme de lettres sans tabac, mais c'est presque monstrueux. Verdier n'a pas tous vos vices, insinua madame Montessac, qui s'installait à sa broderie. Fumer n'est pas un vice. Affaire d'appréciation, ripostai-je assez sèchement. D'ailleurs, madame Montessac est plus compétente que vous, je suppose. Elle leva vers moi deux yeux douloureux. « Votre livre avance, » dit-elle. « Il avance, je vous remercie. »« J'en ai lu ce qui a paru dans le Parthénon, monsieur, » reprit Lambelle, « et je vous en fais tout mon compliment. Il est impossible de dire mieux, plus juste et en moins de mots. Vous aurez là un gros succès. » « Trop aimable. » « Nullement. » « Je crois connaître tout ce que vous avez écrit, monsieur, et vous suis un admirateur passionné. » L'introduction à l'histoire de la sculpture française au XIIe siècle est un morceau de tout premier ordre. Si, si, il y a une dizaine de pages, d'une rigueur à la fois et d'une envolée. Vous n'aviez rien publié avant ce volume ? Non. C'est surprenant. Hein, vous trouvez ? Parvins-je à dire. Et mon avis n'est pas unique. L'autre soir, chez madame de Théors, j'entendais Charles Norbert en parler en termes dithyrambiques. Vous savez que son opinion compte. Charles Norbert? Et il avait de l'écho, je vous prie de le croire. Une telle avalanche de douceur, en ce moment, est tombant de cette bouche exécrée. Je regardais, ahuri, ce grand jeune homme si fin dans sa jaquette longue, si à l'aise dans ses mouvements, et qui trouvait si bien le mot juste, tandis qu'à ses doigts, le cigare promenait, nimbé de volute, la baigneuse de Clodion. Ayant prévu, dans ma sottise, je ne sais quelle virulence, j'étais loin de m'attendre à des grâces. J'en fus désarçonné et restai là, bouche bée et carrément ridicule. « Vous êtes un modeste, monsieur Verdier, et c'est à votre louange, » continuait-il. « Il faudra toutefois que vous vous accoutumiez aux applaudissements, car vous courez chance d'en ramasser beaucoup. » Sous peine d'être grossier, il importait que je répondisse. Je finis par décrocher un mot gentil. Encore l'appointai-je le plus aigrement que je pus. « Je vous crois, vous, monsieur, un simple flatteur. » Mais il abonda si fort et fit de si gracieuses dénégations que mes ressentiments petit à petit s'amollirent. Je le haïssais, possible, au moins était-ce un homme de goût. Et puis, pourquoi lui en vouloir à lui? N'était-ce pas plutôt à l'autre, là-bas, que j'en avais? Bien calme sous la lampe, elle tirait son fil. Ma rancœur fit volte-face et j'attaquai. « Je ne vous savais pas, madame, des aptitudes nautiques aussi marquées. J'aime la mer, en effet. Fichtre, je crois bien. Rester 7 heures entre le ciel et l'eau, c'est plus que de l'amour, ça. Nous nous sommes trouvés surpris par la marée et obligés d'attendre le flot. Il a fallu louvoyer, et comme il se faisait tard, l'homme s'est un peu perdu et nous a mis sur un haut fond. Position charmante, avouez-le, pour contempler en paix les étoiles. Mais comme on pouvait s'inquiéter à la maison, nous avons résolu de débarquer au petit bonheur. Il y avait de la vase, le pêcheur a dû nous transporter sur ses épaules. Un petit voyage d'un pittoresque délicieux et comique, dit Lambelle, car nous étions dans une tenue. Je m'en doute. Une fois encore, je vis le beau regard désolé monter à moi. Elle parut vouloir dire quelque chose, mais se reprit à temps. J'étais déchaussée pour ma part, continuait Lambelle, et madame en jupon de dessous. Oh, monsieur, pas de détails, je vous prie. Laissez, Robert, ajouta-t-elle. Cette appellation si familière mit le comble à ma frénésie. Incapable d'y tenir, je me levai. « Vous ne m'en voudrez pas de vous quitter déjà, madame, mais quelque plaisir que j'y prenne, j'ai pour ce soir des devoirs plus impérieux que d'écouter le récit de vos aventures. Il est possible aussi que je m'absente plusieurs jours, donc ne soyez pas étonnés si je vous laisse un peu sans nouvelles. Monsieur, fis-je ensuite à Lambelle, avec un sourire dont j'exaspérais la gentillesse, je suis ravi d'avoir l'agrément de vous connaître. » Sur quoi je lui tendis la main, il y mit la sienne, et je la serrai avec une ostentation que je rendis excessive à dessein. Sans proférer une syllabe, madame Montessac me reconduisit jusqu'à la porte. Là seulement, dans le demi-jour du vestibule, et si bas qu'à peine le compris-je, elle murmura « Vous êtes d'une méchanceté atroce !»« Comment donc ? Je vous laisse en tête à tête avec Robert. » Et, la devinant à merci, violemment, lâchement, je lui soufflai dans la figure « Je vous déteste, je vous hais !» Puis je chassai la porte et partis 4 à 4 dans l'escalier. Une fois dehors, je n'eus plus qu'une idée, couper net les derniers fils qui pouvaient me retenir à cette femme. Tout d'abord, je me jurai de ne jamais retourner chez elle. Mais ce n'était pas tout. Il fallait, pour que la chose fût définitive, quelque acte violent qui m'engageât envers moi-même et me rendît impossible tout retour. À le chercher, j'épuisai toute ma bassesse et finis par trouver ceci. Souiller ce que je portais encore d'elle en moi, exposer son souvenir à de sales contacts, le polluer dans le lit d'une autre. Voilà qui, à défaut de mieux, serait toujours une vengeance. Je ne voulus pas qu'elle tardât d'une seconde et me fit conduire aux Folies Bergères, où j'arrivai au milieu de la représentation. Mais les exploits d'équilibristes et de chiens savants ne me touchaient guère. J'étais venu pour d'autres fins. Je choisis donc, au tas, celle d'entre les habitués qui me parut la plus impressionnante et la plus conforme à mes projets. C'était une brune forte, aux lèvres chaudes et qui sentait le poil. Elle accueillit l'offre avec un sourire qui découvrit une mâchoire de carnassier. Je l'invitai à s'asseoir, et cependant qu'elle aménageait ses dessous pour ne point les friper sur la banquette, elle affirma me parfaitement connaître, s'acharna même à citer des détails, à préciser les circonstances de notre rencontre, le lieu et le menu de ses amours inoubliables. Malheureusement, elle s'embrouilla dans les dates et perdit bientôt le fil de son histoire. Je n'écoutai d'ailleurs pas et commandai le champagne au garçon. Trois grands verres avalés coup sur coup me mirent à la hauteur. Elle finit le reste et, sous prétexte d'étouffer, se défit de son boa. Deux seins gras surgirent, tassés comme des lapins dans un panier. Elle m'en balança le tableau sous les narines avec complaisance, puis, jugeant l'effet produit irrésistible, recouvrit pudiquement ce double trésor. Je n'étais pas aux subtilités, et voyais là bien du temps perdu. La bouteille payée, je fis d'une forte claque lever la belle, et nous partîmes de compagnie, d'avance renseignés sur la suite, et, sans presque avoir parlé, parfaitement d'accord. Elle me conduisit dans un entresol, dont une levrette atrabilaire défendit vainement l'accès. La chambre était tendue d'amarante, avec tous les accessoires du goût le plus indiqué. En si vieille connaissance, nous n'avions pas affaire de cérémonie. Nous brusquâmes donc les préliminaires et, d'un tacite accord, mîmes les choses en action. J'accomplis le rite avec la ferveur de toutes mes colères et le lui imprimai comme un châtiment. Elle était experte, néanmoins de tels assauts la confondirent. Elle prit sans doute mes invectives pour des roucoulades et la violence de mes yeux pour des effluves de passion. Un jour miteux, tombant des persiennes, mit le terme à nos débordements. À 9 heures, je quittai ses draps et rentrai chez moi, l'esprit calmé, sinon le cœur. J'essayai d'y renouer mes travaux, et, durant la matinée, fureté sans résultat autre que les embrouiller. Ma raison flottante ne se put résoudre à rien. Trop d'images plus lancinantes que celles du goût français peuplaient mon souvenir, et j'eus à manier ces paperasses des intempérances de langue et des nervosités immodérées. Aussi n'insistai-je pas. Sous prétexte de revoir les bronzes de Girardot, je partis pour Versailles. Après de telles commotions, j'avais besoin de changer d'air. La vue de mon intérieur était insoutenable. Ce petit voyage serait une évasion. Je fis le trajet sous l'empire d'une fureur intense, bien qu'artificielle déjà, car, malgré que je me les répétasse, les arguments de ma rancune faiblissaient. J'avais beau les étaler et les aggraver des plus viles suppositions, je ne vibrais plus qu'à la cravache, et mes imprécations avaient quelque chose de mouillé. À Saint-Cloud, devant le grandiose spectacle de Paris doré sous les brumes, je m'émus et distinguais mal. La cause n'en fut pas atmosphérique uniquement. Le désordre grandit au fil de l'heure, et ce dur combat qu'il me fallut mener écartela mon cœur. Courageusement, pour tuer la bête, je m'imposai de parcourir tout l'immense palais. Peut-être la fatigue physique me briserait-elle, et parviendrai-je à la mater? Je traversai les longues galeries funéraires, pleines de tombes et de bustes froids. Puis je montai à l'étage des batailles. Il n'y avait que de rares visiteurs, et leurs pas, bien que retenus, sonnaient dans la vastitude de ce nécropole. Mes yeux passèrent, sans en rien discerner, sur toutes ces mornes représentations de notre valeur militaire. Et, de Crécy jusqu'à Reichshoffen, n'en omirent pas une. Des kilomètres de gloire et de peinture laide défilèrent, sans qu'un seul trait d'art m'en pût frapper. Cramponné néanmoins, je subis avec constance Charles Martel et ses Austrasiens, les chevauchés d'Azincourt, Bouvine, Fournoux et Marignan, qu'embouis triste doux, par malheur, émergent encore des inventions de gestes et des blancs de plumées. Ensuite ce furent Ivry, Arc et le Vert galant, passant des vivres aux Parisiens. Puis les fastes de Louis XVI, copieux massacres, traités en façon d'anecdote. Guerre des Flandres et de Hollande, avec les villes à conquérir posées bien à plat dans les campagnes, comme des puddings dans leur jus. Sièges mémorables, ordonnés en décor d'opéra. Morts gracieux et belles dames en tournée. Après Fontenoy, Rosbach, défaite élégante et l'interminable série des victoires révolutionnaires et impériales. Des armées de républicains guenilleux et de grognards, mordant la cartouche, reconquérirent pour moi sans capital. J'imitais l'Europe en fuite et précipitais mes pas, hélas, pour tomber aux lourdes machines des Yvon, des Piles et des Vernet. La migraine venant, je descendis la terrasse où le soleil projetait de grandes ombres rectilignes. L'espace était aveuglant, plein de souffles doux et de parfums. Heureux de respirer au sortir de ces caves, je fis quelques pas sur le gravier sec, tandis que mes prunelles éblouies se vidaient de leur hideur. Des badauds erraient avec gravité, les uns tournant autour des statues, les autres considérant les ifs ou les poissons rouges des bassins. Des pères montraient le paysage à leurs fils, des dames portaient des pliants. Un groupe d'artilleurs, alignés le nez en l'air, se congestionnaient à dénombrer les fenêtres de la façade, cependant qu'un lot d'anglais, immobiles en rond sur le bord du grand escalier, bâillaient, suspendus aux lèvres d'un guide dont la canne embrassait toute la nature. Jetant au passage un œil distrait sur les bronzes du parterre d'eau, je gagnai le bassin de la Tône et en fis le tour. Debout sur son socle de marbre, la fille de Céos et de Phébé semblait, avec les restrictions de son bras menu, présider à quelque académique conférence de sirènes et de tritons. Un peuple de tortues, gueules ouvertes, veillait aux abords. Je ne m'intéressai que faiblement à ce chef-d'œuvre des frères Marcy et continuai mon chemin sans but, regardant les groupes sans les voir et lisant au socle des inscriptions sans les comprendre. Je descendis le long du tapis vert jusqu'au bassin d'Apollon, mais le soleil y donnait si fort que je n'en pus soutenir l'éclat. Crinières au vent, les étalons du char sacré galopaient dans une vague de métal fondu, et, tout noir dans cette incandescence, les glorieux coursiers et le dieu lui-même avaient l'air de fumerons au cœur de quelque incendie. Je tournai mes pas vers les ombrages voisins, traversai les dômes et les quinconces, peuplés de marmots, de nourrices et de militaires. J'essayai de me passionner aux ébats de ce monde naïf, mais l'effort avorta. Ma pensée retombait à ces vases perpétuellement. Après une station au rond vert, où mes jambes se délassèrent un peu, tandis qu'un pensionnat hurlant me cassait la tête, je parvins au bassin de Neptune et m'y assis. Entre tous, je goûtai cet endroit. J'en aimais le calme et cette sorte de fraîcheur sévère qui tombe des frondaisons. Puis aussi la splendeur architecturale et la magnificence de l'ornement. Ce jour-là, malgré que tout concourut à en exalter le charme, je restai passif sur mon banc. En vain considérais-je le groupe colossal de Neptune et d'Amphitrite, si grandiose et tourmentée dans son ramas de chevaux marins, de naïades et de dauphins. Je ne pus m'y absorber. Incapable de se fixer non plus que de juger avec clairvoyance, mon attention voletait d'un motif à l'autre, et les lourdes croupes de fonte se dissolvaient sitôt que je les voulais examiner. Pénétré de cette impuissance et saisi par le décor, je crus l'instant venu de me considérer un peu moi-même. Mais pas plus que je ne distinguais les intentions du sculpteur, je ne parvins à mettre au net l'irrésolution de ma pensée. Ces quelques heures de la veille et leur subite violence m'avaient assommé. J'avais les membres et le cerveau rompus. Toutefois, dans l'espoir de ravitailler ma haine et d'y trouver un stimulant, je m'efforçai de les revivre. Et, minute par minute, voulus en remonter le cours. Je repris les choses à leur origine, et, pour une seconde, reparurent la face joviale de la bonne dame sur le pont, le petit bout de conduite et nos propos fades. Puis, à propos de rien, ce nom de Lambelle m'arrivant dans la figure, et ma rage et le besoin subit de tuer. Ensuite l'effondrement, et les raisons lourdement extirpées, et ma reprise, et le dîner, et toute cette soirée dure, hachée comme un duel au couteau. Je me revis, injurieux, claquant la porte, et, sur le trottoir, humant la bouffée d'air libératrice. Puis la nuit féroce et les hoquets, et ce gros corps de fille ballottant au gré du sommier. Je repassai toutes ces images avec délectation, et, pour le mieux exaspéré, y frottai mon ressentiment comme sur une râpe. Mais, à bout de tension, mes nerfs trop usagés vibrèrent mal, et ce fut bientôt plutôt ma douleur qui s'exalta. Voilà donc où j'en étais. Trop las pour gravir la pente, j'implorai les alentours d'une prière circulaire. Les hauts troncs immobiles montaient en l'air, tout droit, et leurs cimes amenuisées bougeaient à peine sur le ciel rosissant. Ma détresse s'y accrocha, suivit nœud à nœud le jet des fortes branches, s'égara dans le dédale des ramures, puis retomba sur terre, où les faunes et les bustes pourrissaient d'ennui. Une espèce d'angoisse m'étreignit, et, plus encore que l'ombre fraîchissante, me fit lever. Déjà, de toutes parts, les promeneurs convergeaient à la sortie. Machinalement, je pris la file. Anonyme entre tous, je marchais à mon rang, craintif de peurs imaginaires, et dans cet état nerveux qui fait que les moindres bruits prennent des sonorités de cataclysme. Un peu plus tard, j'étais à la gare, aussi désemparée dans la crasse des salles d'attente que sous les caissons du palais. J'y dus rester un bon temps, et cela me permit des réflexions. 2000, je retins celle-ci qui fut la morale. Étant venu pour voir des girardons, je les avais totalement oubliés. La journée du lendemain fut identique, à cela près qu'au lieu d'errer à Versailles, je m'en fus à Saint-Denis. J'y passai une après-midi lamentable, et bus jusqu'à la lie l'écœurement de cette ville d'usiniers, d'escarpes et de bedeaux. J'explorai la basilique jusque dans le tréfonds de ses plus inutiles recoins, et m'y éternisai dans l'attente de la fermeture et du soir. Comme la veille, et bien que mes doigts pussent tâter la pierre et scruter le détail, je ne compris rien à rien. Je repartis plus délabré qu'à l'arrivée, mais l'idée de rentrer me faisait peur. Je dînai donc sur le boulevard, restai 2 heures à table et bus avec excès. Mon imagination, fouettée par l'alcool, me cahota d'un extrême à l'autre. Je déraisonnai jusqu'à minuit et me perdis aux suppositions les plus folles. Le délire remontant, je vis successivement Madame Montessac pâmée au bras de Lambelle et morte de chagrin. Je l'entendis tour à tour ricaner de ma figure et sangloter dans son mouchoir. De ces insanités, et par fatigue sans doute, finit par germer une conviction, et j'en avais si grand besoin que je ne la lâchais plus. Une lettre m'attendait sous la porte, c'était évident. L'épouvante reprit sitôt que je lui voulus préjuger un sens. Contiendrait-elle les mots définitifs et violents qui parachèveraient la discorde? Ou serait-ce le rameau d'olivier? Balancé entre le désespoir, l'égoïsme et la rancune, je ne savais que souhaiter. J'eusse à la fois voulu des appels et un adieu, des protestations et des cris de repentir. Je ne trouvais rien du tout. Ma main stupéfaite balaya vainement la moquette du vestibule et j'en fus outré, car, bien que le redoutant, j'espérais ce pli, et son absence me parut injurieuse, autant que l'eût été son envoi. Il n'en fallut pas plus pour que tout le bourbier des Villénies montât à la surface et reprît le dessus. Libre à elle de bouder après tout, je n'en avais cure. Je fis ma toilette en sifflotant un petit air crâneur et me glissai sous les draps, presque à moitié ragaillardie.